بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Le premier hadith qu'on va voir aujourd'hui est donc l'auteur Al-Bukhari rahimahullah qui nous cite la chaîne de transmission jusqu'à Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi qui dit: جَاءَ عُمَيْرٌ الْعَجْلَانِ إلى عاصم ابن عدي. عمير العجلاني il est venu voir عاصم ابن عدي et il lui a dit: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به سل به يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc cet homme il a dit à عاصم, il lui a dit: vois-tu, ô Asim, vois-tu si un homme, il trouve sa femme avec un autre homme et qu'il le tue. Il trouve sa femme avec un autre homme, alors il tue cet autre homme. Est-ce que vous allez le tuer à cause de ça? C'est-à-dire, est-ce que vous allez tuer le tueur à cause du fait qu'il a tué un homme qui était avec sa femme? Demande cela au Asim, demande cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour moi. Fasa'alahu. Alors Asim, il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela. Fakariha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-masail wa 'abaha. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a détesté ce genre de questions et il a blâmé cela. Parce que nous ne devons pas interroger concernant quelque chose qui ne nous concerne pas. Et or, ici, c'est Asim qui allait poser une question pour quelqu'un d'autre. Et donc, ensuite, Asim, faraja'a Asim, fa akhbarahu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kariha al-masail. Alors, Asim, il est revenu voir donc cet homme, Umayr, et lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a détesté les questions qui ont été posées. Fa qala Umayr, wallahi. Umayr, il a dit par Allah, j'irai voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faja'a wa qad anzala Allah ta'ala al-Qur'an khalfa 'Asim. Et donc Umayr, lorsqu'il est arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala avait déjà fait une révélation de sa question. Il avait fait cette révélation après que 'Asim soit parti. Fa qala lahu. Alors le prophète, il a dit: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكُمْ قُرْآنًا. Certes, Allah, il a fait descendre sur vous un verset du Coran concernant, c'est-à-dire concernant toi et ton épouse. Parce qu'ici, le sujet, c'est que Umayr lui-même, il avait vu un homme avec sa femme. فَدَعَ بِهِمَا فَتَقَدَّمَا فَتَلَعَنَا. Alors, il les a appelés tous les deux, ils sont venus, et tous les deux ont fait donc l'appel de malédiction. Lorsque l'homme ou la femme, l'un des deux, voit l'autre qui le trompe, alors à ce moment-là, comment ça se passe en islam? C'est l'appel de malédiction. Que chacun, donc, jure plusieurs fois concernant le fait qu'il est véridique sur ce qu'il dit, et la dernière fois qu'il jure, il demande la malédiction d'Allah s'abatte sur lui s'il est menteur. La malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala s'abat sur lui si il est menteur. Et donc les deux doivent jurer ainsi. Et ensuite Umayr, il a dit: kadhabtu 'alayha ya Rasulallah in amsaktuha fa faraqaha wa lam ya'murhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi firaqiha. Et donc Umayr, après cela, il a dit: ô messager d'Allah, j'ai menti sur elle si je ne me sépare pas d'elle. Là, je suis obligé de me séparer d'elle. Là, après ça, je suis obligé de me séparer d'elle. Si je ne me sépare pas d'elle, c'est comme si j'ai menti sur elle. Et donc il s'est séparé de son épouse sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonne de se séparer d'elle. Fajaratis sunnatu fil mutala'inain. Et c'est ainsi que il y a eu la sunna concernant les deux époux qui demandent, qui implorent la malédiction sur le menteur d'entre eux. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: unzuruha. فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ كَثِيرًا مِثْلَ وَحَرَ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ كَذَبَ وإن جاءت به وإن جاءت به أسحم أعين ذا اليتين فلا أحسب إلا أن قد صدق عليها فجاءت به على الأمر المكروه. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit regardez là donc son épouse l'épouse à Omer et si elle vient avec un enfant roux ou rouge comme et petit comme une wahara chez les Arabes c'est un insecte petit qui est rouge. Alors, si l'enfant vient comme cela avec cette description, alors je pense, alors ce que je vois, c'est qu'il a menti sur elle. Ça, c'est une révélation qu'Allah lui a faite, bien sûr. Sinon, le prophète, il ne peut pas savoir ça. Donc ça, ça ne vient que d'une révélation. Si l'enfant vient avec telle description, c'est qu'il a menti sur elle. Par contre, si l'enfant vient en étant noir, avec de gros yeux et un gros postérieur, alors là, je vois qu'il a menti sur elle. Alors là, excusez-moi, je vois qu'il a dit la vérité sur elle. Et ensuite, elle est venue donc avec un enfant, avec la, donc, la description qui était détestable. La description qui était détestable, c'est ce qui est voulu par là, c'est pas la description de l'enfant. C'est la description de l'acte à elle. C'est-à-dire le fait qu'elle, elle a fait quelque chose qui est vraiment détestable, de vraiment blâmable. D'accord? Et donc ce hadith, il nous montre, ici l'auteur, il nous cite ce hadith dans ce chapitre, c'est pour nous parler du fait que c'est pas convenable qu'on pose des questions qui ne nous concernent pas. Surtout sur des sujets comme ça. Parfois, les gens, ils aiment bien poser des questions. Un tel, ah, t'as vu un tel, ah, t'as vu ce qui s'est passé, un tel. Et mais pourquoi sa femme, elle a fait ça? Pourquoi le frère, il a fait ça à sa femme? Et pourquoi si? Mais ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas. Pourquoi tu vas te mêler de ce qui ne te regarde pas? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a détesté les questions. Et il a répondu à Umayr concernant son sujet. Il n'a pas répondu à Asim, alors que c'est Umayr lui-même qui a envoyé Asim. Et donc il est important, cher frère, qu'on apprenne à nous mêler de ce qui nous regarde. Ce qui se passe dans la famille du voisin ne te regarde pas. C'est la famille du voisin. Et donc ça, c'est un sujet important. Ça cause beaucoup de problèmes et de polémiques dans la communauté musulmane, parce que souvent, beaucoup se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Le hadith d'après, l'auteur il nous cite la chaîne de transmission qui va jusqu'à Malik ibn Aws al-Nasri. Qui nous dit « Intalaktu hatta adkhula ala Umar, atahu hajibuhu yarqa » Il dit « Je suis parti, je suis allé » jusqu'à ce que j'arrive chez Omar. Et son portier, Yarqa, est venu me voir. Son portier, Yarqa, est venu. Enfin, il n'est pas venu voir, excusez-moi, il n'est pas venu voir Malik, mais il est venu voir Omar, parce que Malik, il était déjà chez Omar. Et donc le portier, il a dit, « Hallaka fi Uthman, wa Abdurrahman, wa Zubayr, Wasad yasta'dhinun. » Donc le portier, il a dit à Omar, est-ce que tu veux bien laisser rentrer Othman, Abdurrahman, Zubair ainsi que Saad? Il demande la permission de rentrer. Omar qui dit Naam. Fadakhalu wa sallamu wa jalasu. Alors ils sont rentrés, ils ont passé le salam et ils se sont assis. Faqala halaka fi Aliyin wa Abbas. Alors le portier, il a dit, est-ce que tu donnes la permission à Ali et Abbas de rentrer? Fa'adina lahuma. Alors Omar, il leur a donné la permission. Qala al-Abbas, « Ya Amir al-Mu'minin, iqdi bayni wa bayna al-Zalim, istabba. » Alors là, Al-Abbas, quand il est rentré, ça a commencé. Il a dit, « Oh, prince des croyants, juge d'entre moi et de cet injuste. » Al-Zalim, il parlait de Ali. Et ensuite, ils se sont insultés, les deux. Istabba. Les savants qui expliquent ce hadith, et ils nous disent, attention, lorsqu'on dit ils se sont insultés, ce n'est pas les insultes que nous on connaît. C'est les insultes, l'un il traite l'autre d'injuste. Il dit, les savants ils nous disent, il n'y a pas eu plus que ça. Et certaines narrations nous citent d'autres termes mais qui vont dans ce sens. Et ils nous disent aussi, lorsqu'l'un traite l'autre d'injuste, ce n'est pas tu es injuste tout le temps. T'es un grand injuste. Non. si tu as été injuste avec moi dans l'histoire qu'il y a eu entre toi et moi. Pourquoi? C'est qui l'Abbès? C'est qui l'Abbès et c'est qui Ali? Si tu veux comprendre ce hadith, il faut connaître les deux. Abbas, c'est l'oncle du prophète. Et Ali, c'est le cousin du prophète. Et le, fille, et le mari de Fatima, la fille du prophète. Et donc là, on est dans un sujet d'héritage. L'héritage par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, Fatima, elle est venue demander son héritage. Elle est venue demander son héritage. Alors, Abou Bakr, il lui a expliqué que tu n'as pas d'héritage. Parce que le prophète ne laisse pas d'héritage. Tout ce qu'il laisse, c'est une sadaqa. Tu n'as pas d'héritage. Alors, Fatima est retournée. Et ensuite, là, à l'époque de Omar, Ali, il est revenu pour sa femme, Fatima. Et l'Abbès aussi, il est revenu. On va voir un peu ce qui s'est passé. Mais il est important de comprendre que le conflit qu'il y a entre les deux, ce n'est pas le conflit qu'on a aujourd'hui avec les gens concernant l'héritage. Moi, je veux plus d'argent, pourquoi je n'ai pas tant, pourquoi ci, pourquoi ça. Ce n'est pas du tout ça. Vous allez comprendre pourquoi ils ont eu un conflit. Ça n'a rien à voir. Subhanallah. Ces gens-là, ils étaient à un autre niveau. Alors, donc Al-Abbès qui demande à Omar de juger d'entre eux, fait qu'on leur rahtu Othman wa ashabuhu, ya amir al-mu'minin, iqdi baynahuma wa arih ahadahuma min al-akhar. Alors les autres, donc Othman et les autres, ils ont dit, ô prince des croyants, juge d'entre les deux, et fait que l'un des deux soit au moins débarrassé de l'autre, qu'il n'ait plus ce problème. Alors là, Omar, il a dit, Ittaïdou, attendez, calmez-vous. Calmez-vous. Anshudukum billah, alladhi bi'idnihi takoumu sama'u wal-ard. Je vous demande par Allah, celui dont par sa cause se tiennent les cieux et la terre. Hal ta'lamuna anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qol la nurath ma tarakna sadaqa. Est-ce que vous savez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous, c'est-à-dire les prophètes, nous ne laissons pas d'héritage. La noura. Ce que nous laissons est une aumône. Est-ce que vous savez qu'il a dit ça, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Alors, le groupe Othman et les autres, ils ont dit, qad qala dhalik. Oui, il a dit cela. Le messager d'Allah a dit cela. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال نعم. Alors il s'est tourné vers Ali et Al-Abbas, les deux qui étaient en conflit. Il leur a dit, est-ce que vous savez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit cela? Ils ont dit نعم, oui, on sait. Alors Omar qui continue, il dit فإني محدثكم عن هذا الأمر. Alors je vais vous parler de ce sujet. إن الله تبارك وتعالى كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطيه أحدا غيره. Certes, Allah تبارك وتعالى a accordé de manière spécifique à son prophète صلى الله عليه وسلم cet argent, ce bien qu'il n'a accordé à personne d'autre. Certes, Allah تبارك وتعالى dit dans son livre وما أفاء الله على رسوله منهم. Et certes, ce que Allah a accordé comme butin à son messager parmi eux. Ce que Allah a accordé à son messager comme butin. Et donc il l'a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar qui dit فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam. Alors ces biens-là étaient, de ce jour-là, c'était spécifique, c'était propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثُمَّ وَاللَّهِ مَحْتَزَهَا دُونَكُمْ ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتين من هذا المال نفق سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. Anshudukum billah, hal ta'lamuna dhalik? Qalu na'am. Alors il continue, Omar radiallahu anhu, et il nous dit, mais par Allah. Cet argent dont Allah tabaraka wa ta'ala a accordé au prophète de manière spécifique, le prophète ne l'a pas gardé pour lui. Il ne l'a pas gardé pour lui. Mais au contraire, il vous en a donné. Et il l'a réparti cet argent parmi vous. Jusqu'à ce qu'il en reste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait les dépenses pour sa famille, les dépenses de l'année. Les dépenses, parce que ce n'était pas comme à notre époque où chaque semaine ou tous les deux jours, on va au centre commercial. Il prend les dépenses, les grains, etc., etc., pour l'année, et ensuite on le garde à la maison. Et on le consomme pendant l'année. Hein? Parce qu'il ne mangeait pas comme nous non plus. Et donc, aujourd'hui, même si tu fais ça pendant l'année, il y en a qui sont capables de le vider comme ça en moins de mois. Subhanallah. Et donc, il dit Omar, et le prophète, il a propagé cela parmi, il a donc dispersé cet argent, il vous en a donné, et ensuite, ce qu'il en restait, il l'a placé fi sabilillah. Fa'amila an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bidhalika hayatahu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a œuvré ainsi pendant sa vie. Et je vous demande par Allah, est-ce que vous savez que le prophète a fait cela? Ils ont dit na'am. ثم قال لي علي وعباس انشدوكما الله هل تعلمان ذلك قال نعم. Ensuite il s'est retourné vers Ali et l'Abbas, il leur a dit, je vous demande par Allah, est-ce que vous savez cela, est-ce que vous êtes au courant de cela? Ils ont tous les deux dit na'am, oui. Ça continue. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر انا ولي الله صلى الله عليه وسلم فقبضها ابو بكر وعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتما حينئذ واقبل على علي وعباس تزعمان ان ابا بكر فيها كذا وكذا. Ensuite il dit, et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala fait mourir son prophète. Et alors est venu Abu Bakr et il a dit, je suis donc waliyu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, je suis donc le khalifa, celui qui vient après, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui va suivre ce que lui il faisait. Qui va faire ce que lui il faisait. Alors Abu Bakr, il a pris cet argent, il a pris ses biens, et il a fait comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait. Puis vous deux. Alors ensuite, il s'est retourné vers Ali et Abbas. Puis vous deux, à ce moment-là, vous aviez dit de Abu Bakr qu'il est comme ça et comme ça. Là, ça n'a pas été cité. Mais dans d'autres narrations, c'est vous avez dit d'Abu Bakr qu'il était injuste envers vous. Parce que vous aviez dit que normalement, ça vous revient. Ce qui est voulu ici, c'était cette sadaqa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Et donc Ali al-Abbas, il savait qu'il ne pouvait pas prendre ça en héritage, parce que le prophète ne laisse pas d'héritage. Mais ils voulaient s'en occuper eux, pour que ce soit eux qui s'occupent de cette sadaqa qui vient des biens du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient que ce soit eux qui s'en occupent, parce que c'est leur famille. Ils ne voulaient pas que ce soit le gouverneur qui s'en occupe, ils voulaient que ce soit eux. Et donc ils ne voulaient pas prendre l'argent pour eux, mais ils voulaient participer à cette hasana. Ils se sont dit, vu que c'est notre famille, on n'a pas d'héritage, mais on peut faire ça. Et donc ils ont dit qu'Abu Bakr il avait été injuste avec eux. Et là, Omar, il défend Abu Bakr. Il dit, Wallahu ya'lam annahu fiha sadiqun barun rashidun tabi'un lilhaq. Et certes, Allah, il sait très bien que Abu Bakr, concernant ces biens-là, il était véridique, pieux, sur la bonne voie, il suivait la vérité. Thumma tawaffa Allahu Abu Bakrin. Et ensuite, Allah, il a fait mourir Abu Bakr. Fakultu ana waliyullahi sallallahu alayhi wa sallam wa Abi Bakrin faqabadtuha sanatayn. Et ensuite, alors, lorsque Abu Bakr est mort, alors j'ai dit, je suis celui qui va assumer cette responsabilité et remplacer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Abu Bakr. Alors j'ai pris ces biens-là pendant 2 ans. Armel ou fihé. Et je travaillais avec. C'est-à-dire que je faisais comme le prophète, il dit d'ailleurs, armel ou fihé bi, armel ou bihi. Et donc j'œuvrais avec ces biens-là de la même façon qu'on fait Abu Bakr et le messager d'Allah, ou du moins le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Abu Bakr. ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميعا. Et donc vous êtes tous les deux venus me voir, Abu Bakr, Ali et l'Abbas, et vous aviez tous les deux la même parole, la même argumentation. Toi, tu es venu me voir pour me demander la part du fils de ton frère. Et l'autre, il est venu me voir pour me demander la part de sa femme venant de son père. Et donc, elle a baissé Ali. Fakultu, in shi'tuma dafa'tuha ilaykuma ala hadha ala anna alaykuma ahda Allah wa mithaqahu lata'malani fiha bima amila bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa bima amila fiha Abu Bakr wa bima amiltu fiha mundhu walituha wa illa fala tukallimani fiha. Alors à ce moment-là, quand vous tous les deux vous m'avez fait cette demande à cette époque-là, alors je vous ai dit, je vais vous donner cet argent, je vais vous donner ces biens, à condition, et on prend l'engagement, que vous faites avec ces biens-là la même chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait, ainsi que la même chose que Abu Bakr a fait, ainsi que la même chose que moi aussi j'ai fait pendant 2 ans. Sinon, ce n'est pas la peine de me parler de ces biens-là. Ce n'est pas la peine. فَكُلْتُمَا اِدْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ. Alors vous tous les deux vous avez dit, donne-nous les biens avec ces conditions-là. Alors je vous ai donné les biens avec ces mêmes conditions-là. أُنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ. Alors je vous demande par Allah, là il demande à Othman et les autres, est-ce que je leur ai donné ces biens-là avec ces conditions-là? Ils ont dit Naam. Ils ont dit Naam, tu leur as donné avec ces conditions-là. فأقبل على علي وعباس. Alors il s'est tourné vers Ali et Abbas et il a dit أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك. Alors je vous demande par Allah, est-ce que ces biens-là je vous les ai donnés à vous deux avec ces conditions? Ils ont dit نعم. Oui. Alors là il a dit Omar, أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض La akdi fiha qada an ghayra dhalik hatta takumu hatta takuma sa'a fa in ajaztuma anha fadfa'aha ilayya fa ana akfikuma. Alors Omar il leur a dit, après toute cette histoire, Omar il a dit à Ali et Abbas, et donc vu que je vous ai donné cet argent avec ces conditions là, maintenant vous me demandez de juger d'entre vous deux parce que vous êtes dans un conflit. Par Allah, par celui dont le ciel et les cieux se tiennent par lui, je ne jugerai d'entre vous d'aucun autre jugement que ce que je vous ai dit précédemment. Alors, c'est soit vous œuvrez avec les conditions qu'on a dit, soit vous me rendez ces biens et moi, je vais agir donc en fonction avec ces biens, à votre place. Et donc ici, Omar, barakallahu fikoum, il a montré un point important parmi les caractéristiques des compagnons du messager d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait comme ça. On fait comme ça, on ne change pas. Abu Bakr, il a suivi, il l'a fait comme ça avec les biens. On fait comme ça, on ne change pas. Vous venez tous les deux. Si vous voulez les biens, vous devez faire comme eux deux, ils ont fait. Sinon, ce n'est même pas la peine de me demander. Vous acceptez la condition? Ok, prenez. Vous avez un conflit tous les deux, c'est même pas la peine de venir me parler. Soit vous assumez et vous faites de ces biens-là comme il a fait le messager d'Allah, soit vous me le donnez et moi je m'en occupe. C'est comme ça qu'ils étaient. La priorité, c'est comment il faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'ils étaient ces gens-là. Ils n'étaient pas accrochés à l'argent, à la dounia, les batailles sur l'héritage qu'on peut avoir à notre époque. Non, il n'y avait pas ça. La priorité chez eux, c'était Shar'ullah, la législation d'Allah. Et c'est pour cela que Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, « Mais kana li mu'minin, ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, lorsque Allah et son messager ont pris un décret, d'avoir le choix. Tu n'as pas le choix. Allah, il t'a dit, tu fais comme ça, c'est comme ça. Le prophète, il t'a dit, tu fais comme ça, c'est comme ça. Est-ce que tu crois que c'est le messager d'Allah ou pas? Oui, tu crois que c'est le messager d'Allah et que c'est lui qui te montre la voie pour aller au paradis. Alors, suis-le. Non, aujourd'hui, c'est non, mais est-ce que tu penses que, mais il y a moyen de moyenner? Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on suive ces gens-là. C'est eux que nous devons suivre. Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous a ordonné, si nous voulons sa satisfaction, si nous voulons le paradis éternel, nous devons suivre les premières générations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. On va arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allahu ta'ala, qu'Allah azza wa jalla nous accorde à tous une bonne compréhension de la religion. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيراً.